Hey, I can't find nothing on the radio. Restez chez vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. La mécanique des ondes. Confinée. Bienvenue dans une nouvelle mécanique confinée, la mécanique des ondes à la maison, avec des voix de radio qui sont elles aussi à la maison. Et dans ce nouvel épisode, on va retrouver une voix que vous avez déjà découvert dans la mécanique il y a quelques mois. Pas n'importe quelle voix, une meneuse de jeu à Europe 1. Une voix qui fait la pluie et le beau temps depuis chez elle, hein, on peut dire ça comme ça. Anissa Haddadi, bonjour. Bonjour Eddy, bonjour à tous. La pluie et le beau temps, hein, je pense que tu as compris pourquoi j'y faisais allusion. Bah, j'annonce les bonnes ou les moins bonnes nouvelles côté météo. Là, en ce moment, ce sont des bonnes nouvelles, même si c'est très fluctuant. Hein. C'est vrai qu'on passe de l'été à l'hiver en ce moment. Donc, j'espère qu'au milieu de toutes ces infos qu'on entend en ce moment, bah, ça fait un petit peu plaisir aux gens d'entendre qu'il y a le soleil qui brille au-dessus de leur maison et que malgré le confinement, ils peuvent ouvrir les fenêtres et profiter un peu de ce beau temps. Voilà, la météo, c'est une nouvelle aventure, mais c'est chouette à faire et je m'amuse bien à le faire. Et c'est un rôle que tu faisais déjà dans le 18-20 depuis la rentrée. Ouais, exactement. C'est une tâche qu'on m'a confiée le 28 août, quoi, pour la rentrée de cette année, avec une formation à Météo France qui a été hyper intéressante. C'est quelque chose de très nouveau pour moi et c'est chouette parce que j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Donc cette formation, elle m'a fait découvrir plein de choses et c'est un rendez-vous qui, je t'en doute sûrement, mais qui est très attendu pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, pour les lecteurs de journaux. Souvent, les gens qui achètent un journal vont tout de suite voir la page météo de leur région. Voilà, donc c'est chouette parce que c'est un rendez-vous qui est en ultra proximité avec les auditeurs. Et c'est vrai que ça a été une belle découverte. Quand on me l'a proposé, j'étais très étonnée parce que c'était pas dans mes fonctions d'origine. Et moi, j'aime beaucoup le faire. J'aime beaucoup faire ça, la météo le soir dans le 18-20 aux côtés de Nathalie Lévy, en plus de mes fonctions classiques de meneuse de jeu. Alors, et puis ça fait jonction avec l'interview qu'on a faite ensemble il y a quelques mois en studio où tu nous as démontré vraiment que être meneuse de jeu, ce n'est pas que donner l'heure, annoncer ce qui vient après à l'antenne. Non, c'est plus que ça. Là, encore une fois, la preuve. Ouais, la preuve surtout que à Europe 1, en tout cas, le rôle de meneuse de jeu est un rôle très important pour les gens qui construisent la grille et qui construisent l'antenne d'Europe 1. C'est-à-dire que les meneuses de jeu sont là depuis le début, hein, depuis 1955, depuis la création de la radio. Et c'est vrai qu'elles ont un rôle d'accompagnatrice à différents niveaux. Elles sont à la fois celles qui accompagnent les porteurs de tranches, les animateurs, les journalistes. Elles sont celles aussi qui accompagnent les auditeurs. Alors, par moment, on peut effectivement donner l'heure, parce que très souvent, quand on parle de meneuse de jeu, les gens retiennent ce côté-là. Mais oui, comme tu disais, c'est bien plus que ça. C'est vraiment un rôle d'aiguilleur. On est là pour dire aux gens ce qui est en train de se passer sur leur antenne, les gens qui nous rejoignent par bribes, comme ça, dans les émissions. Et en plus, maintenant, de confier ce rôle de présentatrice météo aux meneuses de jeu, c'est encore une fois la preuve que ces meneuses de jeu sont des femmes qui appartiennent. Alors, je dis des femmes parce que sur l'antenne d'Europe 1, il n'y a que des femmes qui jouent ce rôle-là depuis le départ de Jackie Gallois, oui, parce que c'était lui le premier meneur de jeu. Mais ce sont des femmes qui appartiennent à part entière à l'antenne. Et pour les journalistes, les animateurs, la direction, les rédacteurs en chef, la direction des programmes, etc., c'est un rôle qui est très important et qui, à chaque fois qu'il y a une construction d'émission, est prise en compte. Et moi, je trouve ça vraiment chouette de mettre en avant autant ces voix d'antenne qui sont aussi, pour les auditeurs, la reconnaissance de on est sur Europe 1 parce qu'il y a des meneuses de jeu, quoi. Oui. C'est la marque de fabrique de la radio. Une marque de fabrique qui est aussi une force pour cette radio. Alors, Anissa, je vais commencer par te poser la question que je pose toujours à ceux que je reçois depuis chez moi. Comment ça va? Bah ça va bien. Ça va très bien. Je fais pas partie des gens que le confinement fait déprimer. Ça va bien. C'est une période qu'il a fallu apprivoiser parce que c'est pas évident. C'est arrivé du jour au lendemain. On s'y fait. On fait attention parce qu'en fait, on se rend compte que le confinement, il est très important. Depuis le début, on a pris conscience que le confinement était très important pour nous, mais surtout pour les autres. C'était un peu effrayant au début parce qu'on savait pas à quoi ça allait ressembler et qu'est-ce que ça voulait dire de rester chez soi toute la journée en sortant très peu. Et en fait, j'ai trouvé mes marques et je l'ai plutôt bien vécu ce confinement. Du coup, le temps est passé vite. Alors presque. Vite, bon, ça dépendait des jours, mais non, c'est il fallait tout réinventer avec ce confinement parce que effectivement, il faut réinventer une sorte d'organisation à la maison parce que quand on travaille et qu'on va au travail, en l'occurrence quand on va à Europe 1 en ce qui me concerne, et ben le matin on se prépare, l'école pour ma fille, on part au travail, on arrive au travail, on a tous ses repères, on a ses collègues, il y a des horaires bien précis. C'est une sorte de petite tradition qui se met en place chaque jour. Et puis avec le confinement, il a fallu réinventer tout ça. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Après, j'ai la chance d'être confinée dans des conditions qui sont aussi assez agréables. Hein. Je pense à ceux qui sont seuls ou ceux qui sont dans des tout petits logements. Oui. J'imagine que c'est bien plus compliqué. Mais non, c'est les deux premières semaines, faut trouver ses marques, prendre ses habitudes. Et puis après, je pense qu'il faut... alors, je donne pas de leçons. En tout cas, moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'est essayer de mettre en place des sortes de petits rituels. Savoir que le week-end c'est le week-end et qu'on travaille pas et qu'on profite, moi je profite avec ma fille un maximum du temps, et puis mettre les choses en place aussi avec les enfants. Là il y a les moments pour l'école, il y a les moments pour le travail des parents, etc. Et c'est plutôt chouette. Après, moi il y a quelque chose qui me manque beaucoup, c'est le contact social. Mes collègues qui sont pour la plupart des amis me manquent, sortir me manque, boire un verre en terrasse me manque. Effectivement, c'est plus le côté social qui manque. Alors, le 16 mars dernier, donc le confinement avait été annoncé. Alors, est-ce que à ce moment-là, toi, tu savais que tu te retrouverais à la maison, chez toi, avec ton micro ? Non, pas du tout. J'avais du mal à l'imaginer. J'ai même un collègue qui m'a rappelé il y a quelques jours en me disant « Tu te rappelles que tu avais dit que c'était impossible ?» Parce qu'en fait, nous, on a commencé à y réfléchir dans notre équipe, en tout cas, hein, pas avec la direction d'Europe 1, mais dans l'équipe du 18-20, quand le jeudi soir, Emmanuel Macron annonce que les enfants, à partir du lundi, n'iront plus à l'école et seront confinés, que les écoles, les crèches, les lycées, les collèges seraient fermés. Nous on est beaucoup à être parents, donc on s'est tous un peu regardés en disant oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on va continuer à travailler et tout, donc on cherchait des solutions de notre côté. Et puis le vendredi commence un peu dans les couloirs à se dire que il y aurait peut-être un confinement mis en place, etc. Et le lundi j'ai été travailler et là le lundi le confinement devient beaucoup plus concret puisqu'il sera annoncé le lundi soir à 20h. Et en fait je n'arrivais pas à m'imaginer comment faire de la radio à distance quand on a toujours eu l'habitude d'être tous ensemble en studio, surtout qu'on est nombreux, sur une tranche d'info de 2 heures, on est nombreux, mais tout comme sur les tranches des programmes où il y a des chroniqueurs, plus les animateurs, plus les rendez-vous d'info toutes les heures, etc. Pour moi, ça paraissait impossible, inconcevable. Et en fait, j'ai pris une vraie claque quand, en quelques heures, Europe 1 décide de faire les mêmes programmes avec tout le monde à la maison, et qu'en en moins de 2 jours, hein, en 48 heures, c'était mis en place et que ça fonctionnait. C'était j'étais abasourdie par les prouesses techniques, par une équipe technique qui s'est mise en place, qui était soudée, qui était hyper volontaire, qui est pleine de bonne volonté. Ils ont travaillé des heures et des heures. On a tous été équipés à la maison. Et après, ça roulait de manière assez naturelle, finalement. Alors, c'est un autre exercice, hein, de faire de la radio à la maison. Ça demande beaucoup plus de rigueur, d'attention, de concentration. Mais je suis encore, moi, époustouflée par ce qu'on a réussi à faire. Et je trouve ça vraiment très impressionnant. Alors justement, en plus dans ton rôle de meneuse de jeu, du coup, en temps normal, ça demande, je pense, d'être déjà attentive vraiment à tout ce qui se passe en studio et puis à l'antenne. Alors du coup, à distance, c'est autre chose. Alors à distance, c'est autre chose. Alors effectivement, ça a demandé un travail d'écriture un peu plus poussé avec parce que c'est vrai que quand on est en studio d'habitude avec Nathalie Lévy par exemple, il nous suffit d'un regard pour que je sache que là bah je vais y aller et je sais exactement ce qu'elle veut à quel moment et ce que je dois annoncer, etc. Là on a un peu plus écrit moi mes parties à moi, ses parties à elle, les parties de Sébastien Krebs qui est le présentateur des journaux, etc. Donc il y a une trame qui est très écrite qu'on appelle un déroulé. Et puis après il y a beaucoup d'attention, c'est-à-dire que oui on est branché avec notre matériel. Alors moi perso je suis dans mon salon, on a le casque sur les oreilles et effectivement on ne loupe pas une miette de l'émission et on ne peut pas louper une miette de l'émission. Parce que tout peut se passer à tout moment et c'est déjà arrivé qu'on ait des ruptures de ligne avec soit Nathalie, soit un invité, soit un des chroniqueurs. Et faut reprendre derrière, donc c'est une attention de 2 heures non-stop sans aucune seconde d'inattention. Là, pour le coup, oui. Alors, effectivement, au studio, on est aussi très attentif, mais on peut se relâcher quelques minutes, quelques secondes. Moi, je peux aller sur mon ordi quand je suis en studio, quand notamment il y a des vigilances météo, etc., remettre tout ça à jour et lâcher peut-être mon attention auditive quelques minutes. Là, on peut pas. Là, quand on est à la maison, on peut pas, parce que s'il se passe quoi que ce soit, il faut pouvoir rebondir derrière, il faut pouvoir reprendre l'antenne comme si de rien n'était, même si les auditeurs sont bien au courant qu'on est à la maison et qu'il peut y avoir un pain technique à tout moment. Bon, ben voilà, c'est une autre attention, c'est une autre concentration, mais qui est chouette aussi parce que du coup, on est pleinement à 2000% ouais, dans l'émission et dans ce qu'on est en train de faire. Ouais, donc c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment de l'écoute. De l'écoute, ouais. Il n'y a pas de visio, non? Vous ne bossez pas en visio, non? C'est vraiment que de l'audio. Non. Il n'y a vraiment que de l'écoute à distance, avec en plus l'équipe qui est en régie, donc le réalisateur, le rédacteur en chef et les programmateurs de l'émission qui nous parlent même pendant l'émission. Donc ça, c'est vrai que c'est encore un autre exercice parce que finalement, en studio aussi, derrière la vitre, ils vont nous dire un truc dans le casque, mais c'est pas la même déconcentration. On peut lever la tête, les voir, des fois on se fait juste un signe et on comprend. Bon, là, ils vont nous parler, il faut qu'ils nous parlent rapidement dans le casque, oui, pour qu'on ne se déconcentre pas trop longtemps. Il faut que nous, on capte très rapidement ce qu'ils sont en train de nous dire. Parfois, il peut y avoir un invité, un changement d'invité de dernière minute, un changement de timing. Cet invité il devait faire 8 minutes, bah, finalement, il en fera 9 ou 10 ou un peu moins. Enfin, ça c'est constant. On a gardé toujours la même mécanique, c'est-à-dire qu'on soit en studio ou à la maison, le réalisateur et le rédacteur en chef nous parlent constamment dans les ordres, ce qu'on appelle les ordres, donc dans l'oreille, mais ils doivent eux aussi faire attention d'être très clairs, très rapides. Ils peuvent pas nous parler trop longtemps parce que si on lâche, voilà, l'attention qu'on avait depuis le début de l'émission, elle est plus à son maximum. Et du coup, voilà, il y a ce côté-là qui a été aussi. Mais tout ça, ça s'est fait hyper vite, hyper naturellement. Pareil comme nous. Alors, il y a ça aussi qui est très différent quand on est en studio ou quand on est à la maison. Quand on est en studio, on sait qu'on est à l'antenne parce qu'il y a une lumière rouge qui est allumée. Oui. Et c'est nous qui allumons et qui fermons nos micros. Bon, bah là, à la maison, ça se passe pas du tout comme ça. À la maison, c'est moi, le réalisateur, qui ouvre et ferme mon micro. Et je n'ai pas de lumière rouge. C'est-à-dire que je ne sais pas quand mon micro est ouvert ou fermé. Et donc, faut faire attention. Si on a besoin de parler au rédacteur en chef, on est obligé de mettre en place des petites astuces pour pouvoir lui parler sans que ça s'entende à l'antenne, bien vérifier que notre micro est fermé, etc. Donc là, pareil, encore, c'est des nouvelles choses qu'on a dû apprendre c'est bien parce que ce confinement, il nous aura permis à tous, je pense, de faire de la radio autrement et de nous mettre dans des conditions les plus extrêmes entre guillemets. Et je pense qu'on a fait du bon travail, hein, sans vouloir nous jeter des fleurs. Ça fait quand même plus de 2 mois qu'on fait de la radio à la maison, qu'on fait des rendez-vous d'infos qui sont à mon avis utiles aux auditeurs, et que pour l'instant tout s'est très très bien passé. Mmh. Et alors, si tu devais citer des points positifs et négatifs dans ce côté radio à la maison, ton ressenti ? Ah bah moi les points positifs, c'est vraiment le fait que on ait réussi à faire ça techniquement sans presque que personne se rende compte de quoi que ce soit, avec une qualité technique impressionnante. Après, les points positifs, j'en vois pas forcément plus, parce que les points négatifs pour moi, c'est que la radio, ça se fait à la radio, dans un studio, et que la radio, pour moi, c'est tellement un média de partage avec une équipe où on est nombreux et on prépare les émissions ensemble, on les fait ensemble, et quand elle est finie, on la débrief ensemble tous les soirs, toujours après 20h, pendant un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend comment s'est déroulée l'émission, on en discute tous ensemble, même des fois sur le chemin du retour à la maison, on discute encore sur WhatsApp ou au téléphone sur certaines choses qui se sont plus ou moins bien passé ou qu'on a plus ou moins bien vécu. Donc effectivement, moi le gros point négatif, c'est ce manque d'humain, c'est ce manque de partage, où être enfermé dans un studio pendant 2 heures avec des gens, c'est la chose la plus agréable qu'il puisse y avoir dans ce métier. Donc oui, ça c'est faire de la radio dans son salon, c'est très particulier à ce niveau-là. Voilà. J'aime pas trop la radio. Moi, j'aime pas la radio où on est tout seul derrière un micro. J'aime pas la radio où on partage pas les choses. Donc faire la radio dans mon salon. C'est pour ça que tous les soirs, avant le 18-20, on a un petit moment de 5-10 minutes avant, où on est tous connectés et on se parle tous à travers la régie, en fait. Ils nous mettent tous en lien et voilà, ça fait du bien. Des fois, on va parler des choses qu'il va y avoir dans l'émission, et d'autres fois, on va parler de nos états d'âme, de notre journée, on va se raconter des blagues, on va se détendre, etc. Et finalement, par ce biais-là, le petit côté humain et équipe revient, et quelle bouffée d'air, quoi. Ça fait vraiment du bien. Mais le gros point négatif, c'est ça, c'est de faire la radio seule dans son salon, c'est pas très chouette, humainement. Mmh. Et vivement le 11 mai, donc, qu'on soit déconfiné, que tu puisses retrouver... Ouais, alors moi je vais pas retrouver tout de suite, parce qu'en fait le déconfinement, il est progressif, hein, c'est ce qui est annoncé par l'État, et nous on suit les recommandations aussi sur Europe 1, surtout qu'en plus on fait partie d'une région qui a été durement touchée. Oui. On fait partie d'une région qui est en rouge, donc il faut faire très attention à tout ça, et même si la décision d'Europe de nous passer en confinement et en télétravail a été très très rapide, sur le déconfinement ça se fait beaucoup moins vite et avec beaucoup de prudence, et ça aussi c'est bien, parce qu'on se sent très écouté, on sent qu'on a une direction qui est très attentive à tout ça, et ils auraient pu prendre la décision de dire bon bah allez, le 11 tout le monde retourne au travail, et en fait non, ça va se faire progressivement, les auditeurs vont s'en rendre compte, il y a certaines émissions qui vont se refaire en studio, et ça va se faire petit à petit, et pendant une semaine il y a une émission qui va revenir, et pendant la semaine d'après c'est une autre, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde soit de retour rue des Cévennes, dans les locaux d'Europe 1. Oui, puis on sent, puis tant que le rendu sonore est bon, en tout cas d'un point de vue auditeur, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Hein, à l'écoute que ouais, chacun est chez soi. Ah bah tant mieux, tant mieux. Bon, c'est l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que les gens se rendent compte que tout n'est pas non plus normal, parce que les auditeurs sont en train de vivre une vie qui n'est pas normal, donc leur radio change aussi, mais il faut aussi qu'ils se retrouvent dans leur programme, dans leur rendez-vous, et que finalement ils aient l'impression qu'il y a un petit truc qui est changé, mais que la base soit toujours bien là, quoi. Oui, tout à fait. Alors, petite parenthèse, tiens Nissa, par rapport à ton parcours, puisque tu étais passé à France Bleu, Belfort, Montbéliard, avant d'arriver à Europe. Moi, j'avais appris fin mars que France Bleu, donc Belfort-Montbéliard, avait fermé ses portes suite à une suspicion de Covid-19 dans l'équipe. Bon, dernière nouvelle, tout va bien. Ils reprennent l'antenne, apparemment, de ce que j'ai compris, le 11 mai, avec une matinale pour accompagner les auditeurs dans le déconfinement. Enfin, moi, je voulais savoir, moi, je sais que tu es toujours attaché à la région. Mmh. Est-ce que tu as pu avoir des nouvelles de tes anciens collègues? Oui, j'ai eu des nouvelles, je les ai eues au téléphone. C'est marrant parce que à titre privé, en fait, on devait tous se retrouver le 9 mai, le samedi 9 mai, tous là-bas dans la région, parce que j'ai un très bon ami, celui avec qui j'ai partagé de nombreuses années le micro pour les soirées foot, notamment autour du FC Sochaux, se marie. Donc j'attendais ça depuis plus d'un an. Et effectivement, je les ai beaucoup au téléphone, on se donne des nouvelles. Alors, il y a un truc qui a été fait à France Bleu. Alors, effectivement, il y a cette suspicion de Covid au sein de France Bleu Belfort-Montbéliard, mais donc là, j'ai pas franchement plus beaucoup de nouvelles autour de cette affaire-là, mais je sais que le réseau France Bleu en lui-même a mis en place beaucoup de syndications. Oui. C'est-à-dire une radio locale de France Bleu qui pilotait les programmes de plusieurs régions et qui se mettait donc en syndication avec, je sais que ça a été fait à Auxerre, à Orléans, voilà, dans de nombreuses régions, et ça a été fait aussi à Belfort, où ils ont beaucoup travaillé avec Besançon et Dijon. Donc il y avait une antenne qui pilotait et qui était diffusée sur plusieurs régions, sur un bassin plus vaste que la région sur laquelle d'habitude la radio émet. Donc je sais qu'ils ont fait ça aussi à Belfort, et j'ai l'impression qu'ils vont tous bien et qu'ils sont tous aussi pressés de retrouver les studios là-bas. Oui, c'est le principal, que tout le monde aille bien. Exactement. Je crois qu'on en est tous là à se poser cette question maintenant, quand on décroche, et comment ça va, et puis le reste est un peu secondaire, c'est ouais. Comment ça va toi et ta famille. Et puis, avec cette période de confinement, on s'est rendu compte qu'on raccrochait tous en disant « prends bien soin de toi ». C'est vrai. Et on se disait très peu ça avant, et maintenant, c'est devenu presque un au revoir, quoi. « Prends soin de toi et des tiens ». Et donc, c'est bien. Je trouve qu'il y a un peu de... En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance pendant cette période-là. Et c'est ce qu'il faut. Il faut de la bienveillance, hein. Surtout en ce moment, ouais, comme tu dis. Alors, juste avant de te dire de prendre soin de toi, Anissa, on va juste terminer en te demandant, en dehors de la radio, le reste du temps, chez toi, comment tu t'occupes? Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner? Tu nous parlais de petits rituels, tu passais du temps avec ta fille. J'ai découvert le métier de professeur des écoles. c'est pas une mince affaire. J'ai ma fille, moi, est en CM2, donc elle avait quand même un programme, elle a toujours d'ailleurs un programme très très chargé. Donc là-dessus, il fallait quand même une rigueur très importante pour suivre les cours de la maîtresse qu'on recevait donc toutes les semaines avec un programme. Et puis depuis une dizaine de jours maintenant, elle a une évaluation par jour qu'elle fait sur l'ordinateur, seule, enfermée dans une pièce. Voilà, ça doit durer une heure, pas plus. Donc c'est une sorte de contrôle, quoi, hein, qui était prévu à cette époque de l'année dans leur classe, mais que les enfants font à la maison. Donc là aussi, il a fallu se remettre dans le programme de CM2. C'est pas simple, hein. Moi je savais plus multiplier des fractions, hein. Pas mieux. il a fallu s'y remettre, poser des divisions, expliquer les périmètres, revoir. Alors les cours d'histoire, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que j'ai été d'une grande aide. En revanche, sur les maths, je me rends compte que j'ai des lacunes dès le CM2, donc ça c'est très grave. C'est plutôt inquiétant. Et puis après, j'ai fait pas mal de choses que beaucoup de Français ont fait, c'est-à-dire que j'ai fait du tri, j'ai profité un peu de mon chez-moi, de me réapproprier mon appart, parce que finalement on se rend compte qu'on part à 8h30 le matin. Moi je partais 8h30 le matin, je déposais ma fille à l'école, et après je filais à la radio, et je rentrais le soir, il était 21h, 21h15 après l'émission. Et le week-end, on fait tout ce qu'on n'a pas pu faire la semaine, donc on profite pas de sa maison finalement comme il faut. Donc j'ai fait ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport à la maison. Mon salon s'est transformé pendant une heure par jour en salle de sport. Et puis voilà, j'ai essayé de manger des choses différentes de ce qui se faisait d'habitude. Quand on rentre du travail, souvent on ouvre un surgelé qu'on met dans la poêle, et voilà. Là, je me suis fait un peu plus plaisir. Alors après, je suis pas étoilée encore, hein. Il y a du boulot, mais j'ai essayé de faire des petites choses pour faire plaisir à ma fille, de lui préparer des petites choses sympas. Et c'était bien, c'était des moments de partage, mais il faut que la vie normale, elle reprenne aussi au bout d'un moment, parce que tout ça, c'est bien, mais on en fait vite le tour. Par contre, je pense que ça, en tout cas moi personnellement, ça va me permettre quand j'aurai des temps off, comme les week-ends, de peut-être un peu plus profiter. Voilà. Peut-être que ce confinement, il m'a permis de me rendre compte que la vie allait un peu trop vite, qu'on faisait tout un peu trop vite, qu'on vivait à 100 à l'heure, et que la semaine, faudra continuer d'avoir une vie comme avant, mais le week-end peut-être, être plus avec ses proches, être plus peut-être laisser des choses de côté et profiter plus de ces moments-là. Bah, tu viens de citer tout le côté bénéfique de ce confinement. C'est bien résumé. Ouais. Bah écoute, il en fallait des côtés bénéfiques. Non, je suis pas du genre à dramatiser, à dire que c'était un moment horrible, que voilà. De toute façon, on n'avait pas le choix. Donc autant essayer de le vivre le plus bénéfiquement possible. C'est drôle pour personne, hein. Il y a eu des moments pas drôles, hein. Je suis pas en train de dire que j'ai vécu ça comme une parenthèse enchantée, hein. Pas du tout, il y a eu des moments compliqués. C'est compliqué d'être H24 les uns sur les autres. Souvent on craque, on s'ennuie, on en a marre, on a envie de sortir, mais on peut pas et tout. Donc vu que c'était quelque chose d'imposé, c'était quelque chose d'obligatoire, qui en plus était obligatoire pour quelque chose de bénéfique, c'était pas une punition, c'était rester chez vous pour éviter que ce virus se transmette et que l'épidémie soit d'autant plus importante. Surtout que moi, ma sœur, elle est anesthésiste, et je sais que à travers le confinement, j'ai vécu avec elle des moments vraiment pas drôles, et j'ai vu ce que ça pouvait être à travers elle pour les soignants. Et franchement, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Voilà, il fallait prendre son mal en patience. C'était ça. Je pense que le résumé de ce confinement, c'est prendre son mal en patience et espérer des jours meilleurs. Ouais. Espérer que ça aille mieux, quoi. Et une pensée, bien sûr, pour tout le personnel hospitalier. C'est surtout pour eux aussi qu'on fait tout ça. Pour pas ouais, ça a été très compliqué pour eux, les gens qui travaillent à la ville, qui ramassent les poubelles, pour les gens qui travaillent dans les magasins, pour les gens qui font des travaux en face de chez moi. Il y a un ravalement de façade, ça s'est arrêté pendant quelques temps, mais après ils ont très vite repris avec des masques et tout. Et pour tous ces gens-là, ça devait être compliqué de prendre les transports, de venir bosser, alors que les autres étaient confinés chez eux. Donc voilà, je pense qu'on n'était pas dans la pire des situations, et essayer de le prendre... au mieux, c'était la seule des solutions, quoi. Mmh. Merci Anissa Haddadi, en tout cas, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. C'était un plaisir. Plaisir partagé. C'était très chouette, cette petite parenthèse. Et on te retrouve donc tous les soirs entre 18h et 20h sur Europe 1 pour la météo. Et puis, pas que ça, hein, puisque tu accompagnes Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. Et puis, météo aussi le midi, je crois, hein, en ce moment. Ouais, en ce moment, ouais. Effectivement, pendant toute la période du confinement... sur le journal de Raphaël Duchemin et de Pierre de Villeneau, où là je les ai accompagnés pour la météo. Et puis ensuite, quand tout redeviendra normal, chacun reviendra à sa place et on sera tous en studio et tout ira bien. Et bonne fin de confinement à toi, et puis prends soin de toi, comme on dit en ce moment. Merci à toi aussi, Edith. Merci beaucoup.